Bienvenue à Mélomanes, une émission pour les fous de la musique. Vous êtes à l'antenne du 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Mélomanes, édition du 21 octobre 2015. Et oui, la date où Marty McFly arrive dans le futur. Aujourd'hui, tel qu'annoncé la semaine dernière, un grand spécial Motown. Écoutez, si vous aviez moindrement apprécié le spécial Stax d'il y a deux semaines, vous allez être en business aujourd'hui. L'entière émission de ce soir, ou presque, sera consacrée à la musique nous provenant des studios de la célèbre maison de disques de Détroit, soit Motown et tout ce qui s'y rattache. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va jouer dans trois décennies au moins, on pourrait même dire quatre. Et en fin d'émission, une petite surprise, une direction qu'on n'a jamais prise à Mélomanes, qui va découler naturellement de notre spécial. Et du Motown, vous vous dites que ça vous dit rien, que vous connaissez pas ça? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dès le premier bloc, qu'on amorce à l'instant avec une chanson qui, ironiquement, représente assez bien la tangente commerciale que prenait souvent la maison de disques, qu'on n'appelait pas le Hit Factory pour rien. Un des premiers succès Motown, Barrett Strong en 59 avec Money, That's What I Want au 99.1 CFNJ. Work, work, until the little bit Partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFNJ. De retour à Méloman, spécial Motown, et on vient d'entendre le groupe féminin le plus populaire de la boîte Motown, les Supremes, dans lequel on va retrouver la reine incontestée de la maison de disques, même si c'est pas elle qui avait la voix la plus puissante nécessairement. J'ai nommé Diana Ross, qui nous chantait un de leurs plus gros succès de 1964, Baby Love. Et c'était précédé d'un autre groupe féminin qui a ni plus ni moins pavé la voie aux Supremes. Il s'agissait des Marvelettes avec Please Mr. Postman en 1961. Une chanson que nul autre que les Beatles vont repopulariser en 1963 sur leur album With the Beatles. D'ailleurs, le Motown va être un style qui va grandement influencer l'écriture des Beatles parce que c'est un des premiers genres à s'émanciper un peu des clichés des années 50 qui commençaient à s'essouffler pas mal à ce moment-là. C'est bien beau le rock'n'roll, mais on voulait quelque chose de nouveau. Et en parlant de rock'n'roll, justement, il y en avait quand même une bonne dose dans celle qu'on a entendue juste avant, Do You Love Me, du groupe The Contours en 1962. Une chanson qui n'est pas sans évoquer Twist and Shout des Isley Brothers, que nos chers Beatles vont reprendre pour en faire le succès qu'on connaît. Et Do You Love Me, une chanson aussi qui va être repopularisée, entre autres, par la fameuse trame sonore du film Dirty Dancing de 1987. Et là, on s'en va en plein cœur de la première période classique de Motown avec un de ses groupes phares des plus prolifiques, The Four Tops au 99.1 CFNJ. I can't help myself. I love you and no than the birds in the trees. Well, I guess if you say what can make me feel this way, my girl. I love you. you really got a hold. Bonjour à Méloman au 99.1 CFNJ, en plein cœur de notre méga spécial hommage à la maison de disques Motown. Et j'ai comme la forte impression que vous commencez à vous dire que vous connaissiez ça plus que vous pensiez, le Motown. Et c'est en plein ça mon intention, simplement d'associer un nom à toutes ces chansons que vous connaissiez déjà très bien. Parce qu'il y a de ces maisons de disques comme Motown ou Stax qu'on a découvert ensemble il y a deux semaines, qui vont devenir beaucoup plus que des simples maisons de disques, qui vont littéralement inventer un son qui leur est propre. Et c'est pour ça qu'on peut presque dire que le Motown est un style en soi. Et une des personnes qui va donner sa cohésion au fameux son Motown va être le Big Boss, le fondateur de la boîte, Berry Gordy, qui a eu une vision et qui va l'exploiter à fond en engageant, entre autres, un de ses compositeurs maison, Smokey Robinson, qu'on vient d'entendre au sein de son propre groupe, les Miracles, avec « You've Really Got a Hold on Me » de 1962. Chanson que les Beatles vont aussi reprendre, toujours sur « With the Beatles », dont on a parlé tantôt. Et Smokey Robinson, un nom à retenir, parce que c'est lui aussi qui a composé les chansons qu'on a entendues juste avant, soit le duo de « My Girl » et « My Guy », respectivement des « Temptations » en 1964, un des groupes les plus importants de Motown, et Mary Wells, la première femme de Motown la même année, qu'on a entendue juste après « I Can't Help Myself »,« Sugar Pie Honey Bunch » de 1965. Et on poursuit tout de go avec de très gros hits au 99.1 CFNJ. Generation and die. gentlemen. Oh. It ain't nothing but a heartbreaker. Oh. I got one friend, that's the Undertaker. To me. What? It ain't nothing but a heartbreaker. What? Friend only to the Undertaker. Oh! He's loving, understanding, tell me. There's not no place for the end of the day. They say we must fight to keep our freedom, but Lord knows there's got to be a better way. Oh! What? Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Méloman avec Mathieu Lajoie. Hey, what's up now? Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, solid. Right on. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. See, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see, sister, oh, what's going on. What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Oh, right on. What's on? What's on? Judge us simply cause our hair is long. Oh, you know we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Pick it light and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Tell me what's going on. What's I'll tell you what's going on. What's going on? Ooh. Right, right on. Right on. Yeah. CFNJ 99.1 et 88.9. Avec vous, partout dans la Naudière. Dancing in the Street, à Mélomane spécial Motown. Puis je pense que vous connaissez ça, le Motown, moi, finalement. Donc, Martha and the Vandellas, qu'on vient d'entendre en 1964 avec leur plus gros succès en carrière. Une chanson qui est devenue un hymne pour les droits civiques des Afro-Américains aux États-Unis. Un peu comme on en avait parlé lors du spécial Stax, on arrive à l'époque de Martin Luther King et des émeutes dans les rues de Détroit, entre autres, où on lutte pour faire cesser la ségrégation. Et faut-il le rappeler, Motown se trouve justement à Détroit et c'est une musique faite par les Noirs pour les Noirs qui va finir par séduire les Blancs aussi parce que c'est beaucoup trop bon. Mais je le dis parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment insisté là-dessus la semaine du Stax, du spécial Stax, parce que je fais pas tant la différence, mais historiquement, on s'entend effectivement pour dire que c'est une musique afro-américaine et que ça a grandement aidé à leur émancipation en tant que peuple. Mais il y avait tout un soulèvement social à ce moment-là qui était plus large que la cause des Noirs aussi. La guerre du Vietnam, la brutalité policière, la violence en général vont être des sujets qui vont tout à coup être abordés dans les pièces plus engagées, dans des pièces plus engagées chez Motown. Et on a entendu dans cette veine-là War d'Edwin Starr en 1970 qui dénonce la guerre sous toutes ses formes finalement. Et ça va prendre aussi Marvin Gaye qui va défier un peu l'autorité de son beau-père, Berry Gordy, le fondateur de la maison de disques, en imposant son premier album qu'il a composé lui-même en entier. Il faut savoir que Berry Gordy contrôlait jusque-là avec ses compositeurs là, toutes les compositions, toutes les chansons qui sortaient de chez Motown. Et il tenait les rênes assez serrées aussi pour ce qui est du contrôle de la maison de disques. Et ça n'a pas été quelque chose qui l'enchantait tellement. Il aurait peut-être voulu aussi se garder de prendre des risques en parlant de sujets aussi chauds, mais Marvin Gaye l'a défié avec une musique que Gordy détestait, et ça finit par être un des albums les plus acclamés de Motown. Et c'est un album assez important aussi qui va ouvrir la voie à d'autres artistes de la maison qui avaient besoin de s'exprimer avec leur propre composition. On peut penser à Stevie Wonder, qui va commencer une lance incroyablement fructueuse. Et c'est un peu grâce à Marvin Gaye qui avait défriché le chemin pour tout le monde. C'est justement Stevie Wonder qu'on a entendu avec Superstition de 72, qui était suivi des Jackson 5 avec I Want You Back en 1969. Et on poursuit avec une pièce qui a été originalement popularisée par Marvin Gaye, justement, mais qu'on va écouter dans sa version de Gladys Knight and the Pips, qui l'ont reprise seulement 4 mois plus tard, en 67. Et ce sera suivi de quelques chansons un peu plus rares cette fois-ci. Donc, I Heard It Through the Grapevine au 99.1 CFNJ. We'll be right back. Shotgun de Junior Walker and the All-Stars en 65 sur les ondes de CFNJ 99.1, toujours au spécial Motown de Meloman. Une chanson très importante dans l'univers Motown et c'était précédé d'un ex-Temptations, Eddie Kendricks, avec son seul gros succès solo, Keep on Truckin' en 1973. Et on va continuer tout de suite parce qu'il y a tellement de belles musiques à venir, encore dans la veine des découvertes, à commencer par le tout premier single sorti parce qu'il va devenir Motown plus tard, peu de temps après, 1959, Marv Johnson avec Come to Me au 99.1 CFNJ. Better. till you can't no more. Come to me. Prochaines heures, c'est un ennuagement suivi d'averses avec un minimum de 5. Averses qui cessent en mi-journée jeudi. Dégagement par la suite, maximum de 17. Et ensoleillé pour vendredi, maximum de 10 degrés. Et les secteurs du Nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, ennuagement peut-être des averses pour les prochaines heures, un minimum de 2 degrés. Averses qui cessent en mi-journée jeudi. Des nuages ensuite, maximum de 12. Et ensoleillé pour vendredi, maximum de 9 degrés. CFNJ. De retour au spécial Motown de Méloman au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et on vient d'entendre une très belle pièce de Kim Weston en 1966, soit Helpless, qui a tous les traits distinctifs d'un succès Motown. D'ailleurs, vous remarquez qu'on entend souvent un tambourin qui bat la mesure inlassablement en arrière-plan. Et ça, c'est juste une des marques de commerce qui fait qu'on peut reconnaître si on a affaire à une pièce de chez Motown, ou du moins la période classique de Motown. Et tout ça, on le doit en grande partie aux musiciens de session maison de l'étiquette qu'on nommait les Funk Brothers. Et c'est seulement sur le fameux What's Going On dont on parlait tantôt de Marvin Gaye que leur nom va apparaître pour la première fois sur l'album. Imaginez, c'est pas la première fois qu'une chose semblable se produisait, un groupe de musiciens qui donne carrément un son particulier à une foule de succès. Et leur nom est même pas cité dans les crédits. Mais Marvin Gaye va remédier à tout ça avec son fameux album qui est venu tout démocratiser. D'ailleurs, les Funk Brothers, qu'on pourrait comparer un peu au groupe maison de chez Stax, Booker T and the MGs, qui font le thème de l'émission et dont on a parlé dans le spécial Stax. Les Funk Brothers qui jouent sur à peu près tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant à l'émission. Donc, c'est important pour moi de vous parler d'eux. Et c'était précédé de Brenda Holloway en 1964 avec la ballade Every Little Bit Hurts, une chanson qui a plus marché aux États-Unis. Là, on va retourner un petit peu plus dans les hits. On poursuit avec une chanson que vous avez peut-être entendue dans le film Sister Act ou Rockin' Nun au Québec de 1992 avec Whoopi Goldberg. D'ailleurs, plusieurs chansons de Motown ont joué dans ces films, dont My Guy de Mary Wells qui avait changé en My God pour les besoins de la cause qu'on a entendu tantôt. Et on y va avec Martin de Vandellas qu'on a entendu tantôt avec Dancing in the Street. Mais on entendra maintenant leur succès de 1963, Love is Like a Heat Wave. Mais tout d'abord, un groupe féminin un peu moins connu, The Velvettes en 64 avec une aiguille dans une botte de foin, Needle in a Haystack au 99.1 CFNG. You gotta trust, give it time. No matter how long it takes, but how many heartaches must I stand before I find the love to let me live again? Right now the only thing that keeps me hanging on, when I feel my strength, yeah, it's almost gone. I remember Mama said, no, you just have to wait. She said, love don't come easy. It's a game of give and take. How long must I wait? How much more can I take before loneliness will cause my heart to break? Oh, I can't bear to live my life alone. I'm so impatient for love to call my own. But when I feel that I can't go on, these precious words keep me hanging on. Marvin Gaye au grand spécial Motown de Mélomanes au 99.1 et 88.9 CFNJ. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. Et oui, que de gros noms, Marvin Gaye au tout début de sa carrière avec Stubborn Kind of Fellow de 1962 et les Supremes avec le méga succès You Can't Hurry Love, une chanson qui va être reprise par Phil Collins, entre autres, en 1982. Mais la rythmique du début de la chanson qui va presque devenir plus populaire que la chanson elle-même, on a juste à penser à des titres comme Part-Time Lover de Stevie Wonder, Man Eater de Helen Oates, Lust for Life d'Iggy Pop ou même plus récemment le groupe Jet avec Are You Gonna Be My Girl. Une rythmique tellement efficace que même Motown va essayer de capitaliser dessus avec une chanson de Martin de Vandellas qu'on a entendu tantôt avec une chanson qui s'appelait I'm Ready for Love. Donc, un bel exemple du son popularisé par la fameuse maison de disques. Et on va maintenant se diriger à nouveau vers un de ces groupes les plus populaires, en fait, qui arrivait juste après les Temptations en termes de popularité. J'ai nommé les Four Tops, dont vous connaissez un paquet de chansons sans le savoir, peut-être. On se transporte en 1964 avec leur plus gros succès, Baby, I Need Your Loving, au 99.1 CFNJ. I long to hold you tight, 'cause I'm so lonely. In the cat. Sometimes on a crowded street, I've been near you, but you never noticed me. My shady lover, won't you tell me how could you ignore that behind that little smile I wore? I wish that you were. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Maybe someday you'll see my face among the crowd. Oh! jeune Michael Jackson qu'on vient d'entendre à Meloman, hommage Motown. Et oui, 1972, comme je vous disais, Michael Jackson, qu'on oublie souvent quand il était jeune, finalement, la très belle chanson thème du film Ben, son deuxième album solo, qui est toujours au sein à ce moment-là du groupe des Jackson 5 avec ses frères, bien sûr. Il y a juste 13 ans, bientôt 14, quand l'album sort. Bref, une belle chanson oubliée que vous aurez entendue à Meloman. Et c'était précédé de deux chansons composées par le premier enfant prodige de Motown, juste avant Jackson, Stevie Wonder, qui a quand même signé à l'âge de 11 ans et qui jouait de l'harmonica chromatique, de la batterie, du piano, en plus d'être atteint de cécité, faut-il le rappeler? Parce que tout le monde sait que Stevie Wonder est aveugle, mais on oublie souvent tout son génie musical qu'on a entendu ici en deux exemplaires, dans un succès des Spinners de 1970, l'excellente It's a Shame, où on reconnaît très bien le style de Stevie Wonder si on tend moindrement l'oreille, et Monsieur Wonder en personne avec sa magnifique My Cherie Amour de 1969. Et maintenant, on y va avec les Isley Brothers, dont on a parlé brièvement plus tôt à l'émission. Un groupe à qui l'on doit Twist and Shout et la chanson Shout tout court, aussi gros succès presque gospel de 1959. On va les écouter ici avec leur seul succès enregistré chez Motown en 66, This Old Heart of Mine is Weak for You, et ensuite Rare Earth, un des rares groupes de blancs à être signé chez Motown, toujours à Meloman au 99.1 CFNJ. 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. that lurks within. Smiling faces sometimes. They don't tell the truth. Smiling faces tell lies. And I got proof. Spécial hommage à Motown de Méloman au 99.1 CFNJ dans tout la Nodière. On vient d'entendre le côté un peu plus psychédélique de Motown avec le groupe The Undisputed Truth et leur seul succès de 1971, Smiling Faces Sometimes. Une chanson qui avait été enregistrée la première fois par les Temptations, qu'on a entendu juste avant avec Ball of Confusion, entre parenthèses, That's What the World Is Today, un an auparavant. Une autre chanson qu'on pourrait dire contestatrice, comme celle qu'on a entendue plus tôt à l'émission. On a aussi entendu une petite perle méconnue du groupe des Marvelettes, les mêmes qui ont fait Please Mr. Postman avec The Hunter Gets Captured by the Game en 1966. Et Minuit qui approche à grands pas, on fait un petit bond en avant dans le temps, une petite dernière très funky de 1969. Et après, on se retrouve 10 ans plus tard avec les Commodores pour rester dans la deuxième moitié des années 70 et voir ce que Motown avait à nous offrir à cette époque-là. Mais là, on y va avec Edwin Starr et 25 Miles au 99.1 CFNJ. Good time.

Retour au spécial hommage à Motown de Mélomanes partout dans l'Anaudière au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et on vient d'entendre les Jackson 5 avec Dancing Machine en 1973. Voyez-vous, je disais deuxième moitié des années 70, mais on a redescendu un peu pour celle-là. Une chanson dans laquelle Michael Jackson avait l'habitude de faire la danse du robot qu'il avait emprunté à son inventeur Charlie Washington. Pendant un bout de la chanson qui fait étrangement penser au thème de Ghostbusters, dont on va reparler dans notre spécial Halloween de la semaine prochaine, que je vous annonce en primeur, là, au moment où on se parle. Manquez pas ça, aucune règle, juste de la musique qui évoque l'Halloween. Ça risque de brasser pas mal. Mais vous allez voir, de l'inattendu ce soir aussi, il y en a. On vient de voir que la grosse vague disco qui déferlait sur la deuxième moitié des années 70 a pas épargné la maison de disques Motown, qui va pondre des grands classiques du genre, comme les Miracles qu'on avait entendu tantôt, mais cette fois-ci c'était sans Smokey Robinson avec Love Machine en 1975, qui précédait Dancing Machine. Et on a entendu aussi Thelma Houston avec sa reprise de Harold Melvin and the Blue Notes, Don't Leave Me This Way. On était en 1976. Et on monte comme ça dans les années. Motown continuait toujours de tenir la route en 1980 avec une de ses têtes d'affiche qui tient toujours le coup elle aussi, Diana Ross au 99.1 CFNJ. But no one makes me feel like you.

pay the price. All I want is to be left alone in my average home. But why do I always feel like I'm in the twilight zone? And I always feel like somebody's watching me. And I have no privacy. Oh, I always feel like somebody's watching me. Tell me, is it just a dream? When I come home at night, what am I? Just paranoid. When I'm in the shower, I'm afraid to wash my hair. 'Cause I might open my eyes and find someone standing there. People say I'm crazy, just a little touched. But maybe showers remind me of psycho too much. That's why I always feel like somebody's watching me. And I have no privacy. Oh, I always feel like partout dans la Naudière. 99.1 et 88.9 CFNJ. Dance the whole night away underneath the electric star. Just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once the music starts. Oh, to the beat of the rhythm of the night. Dance until the morning light. Forget about the worries on your mind. You can leave them all behind. To the beat of the rhythm of the night. Oh, the rhythm of the night. Oh, yeah. Look out on the street now. The party's just beginning. The music's playing. A celebration starting under the street lights. The scene is being set. A night for romance, a night you won't forget. So come join the fun, this ain't no time to be staying on. Ooh, there's too much going on. Come on and sing my song all night long. Et oui, vous êtes toujours au spécial Motown de Mélomanes au 99.1 CFNJ. Et on vient de plonger la tête la première dans les années 80 pour la fin de l'émission. C'était ça la surprise. Fallait bien que ça arrive un jour. Et dites-vous qu'absolument tout ce que vous avez écouté jusqu'à maintenant nous provient toujours de cette étiquette de disque hyper prolifique de Détroit, Motown. Imaginez, je pense qu'il n'y a aucun doute que vous connaissiez la majeure partie des chansons qu'on a entendues ce soir. On vient d'entendre All Night Long, All Night, en parenthèse, de Lionel Richie en 1983. Lionel Richie, qui est chez Motown depuis un bon moment déjà, par le biais de son groupe Les Commodores, qu'on a entendu tantôt. Et c'était précédé du groupe The Barge, avec Rhythm of the Night en 1985, de Rockwell en 1984. Rockwell, qui est le fils de Berry Gordy, le big boss fondateur de Motown, avec la chanson Somebody's Watching Me. Une chanson sur laquelle on retrouve Michael et Jermaine Jackson dans les chœurs, deux revenants chez Motown quand il avait changé la maison de disque à ce moment-là. Et Rockwell, qui, disons-le, se prenait pas mal pour un petit Michael Jackson, si on se fie à son idée très originale de porter un seul gant, par exemple. Mais quand même, une excellente chanson que j'aurais presque envie de vous remettre dans le spécial d'Halloween la semaine prochaine. Me semble que ça marcherait bien, parce que oui, nous sommes en pleine violation de la loi mélomane. On s'aventure dans les années 80 et on risque d'y retoucher un peu aussi la semaine prochaine. Manquez pas ça, spécial d'Halloween. Et tout ça avait joué avant ce cher Rick James et son méga succès de 1981, Super Freak, une chanson qui va être échantillonnée pour donner une dizaine d'années plus tard, You Can Touch This, d'MC Hammer, évidemment. Et un fait étrange concernant Rick James que j'ai appris d'un ami cette semaine. Il semblerait qu'un bon soir, M. James ait refusé une invitation à une soirée parce qu'un peu trop lendemain de veille. Et c'est finalement cette gueule de bois qui va lui sauver la vie, puisque la soirée en question se passait chez l'actrice Sharon Tate, qui s'est faite assassiner par le clan de Charles Manson. Imaginez ce soir-là même. C'est ce qu'on appelle être chanceux. Bref, une autre histoire que j'aurais dû vous raconter au spécial d'Halloween. On poursuit avec du Motown des années 80, toujours très actif, Stevie Wonder au 99.1 CFNJ. Something that I must name. I guess you can play the game.

don't get everything, it's true. What it don't get, I can't use. I want money. Retour à Mélomanes au 99.1 CFNJ et le spécial Motown qui prend fin avec la même chanson avec laquelle on avait amorcé tout ce périple, Money, That's What I Want, mais cette fois-ci dans sa version de 1979, soit 20 ans pile après l'original de Barrett Strong, par le groupe The Flying Lizards et leur version bizarre minimaliste New Wave. Et on a entendu juste avant Marvin Gaye, roi de Motown, avec son dernier grand succès, Sexual Healing, de 1982. Marvin Gaye qui va malheureusement se faire tuer par son père 2 ans seulement après. Et oui, triste comme ça, c'est arrivé par accident, mais reste que son père avait jamais pu accepter le choix de vie de son fils. Et c'était précédé d'Alan Oates en 1982 avec Man Eater, une chanson qui est pas de Motown, mais que j'ai toujours rêvé de faire jouer juste après Part-Time Lover de Stevie Wonder de 1985, juste pour montrer combien les deux se ressemblent. Et il faut aussi prendre en considération le rythme particulier tout droit inspiré de You Can't Hurry Love des Supremes, qui vont inspirer des légions de chansons, comme on en a parlé plus tôt à l'émission. Donc, c'est tout pour le spécial hommage à Motown. J'espère que vous avez apprécié et peut-être aussi appris des choses ou tout simplement mis un nom sur ce style que vous aimiez peut-être déjà. Si c'est le cas, mission accomplie. Toujours un grand plaisir pour moi. Et tant qu'à être dans les années 80, écoutez, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur pour les fans de la trilogie Retour vers le futur, Back to the Future. Nous sommes aujourd'hui le 21 octobre 2015. Il s'agit exactement de la date à laquelle Marty McFly arrive dans le futur. Ça fait des années qu'on attend de voir s'il y aura des autos volantes et des hoverboards. Il n'y en a pas, mais on peut au moins rendre hommage à cette date spéciale. Et n'oubliez pas, grand spécial d'Halloween la semaine prochaine, mercredi 21h à Mélomanes, premier party d'Halloween de la semaine. Donc, en vous souhaitant une bonne nuit et une bonne semaine, je vous laisse avec Huey Lewis and the News et The Power of Love et peut-être quelques autres classiques si on a le temps au 99.1 CFNJ. Bonne nuit. Make a one man weep, make another man sing. Say to heart. myself believe it. This night will never go. Depuis 30 ans. CFNG.